Ruy Blas, drame en 5 actes, en vers de Victor Hugo. Acte 1er, Don Salluste. Le salon de Danaé dans le palais du roi à Madrid. Ameublement magnifique dans le goût demi-flamand du temps de Philippe IV. À gauche, une grande fenêtre à châssis doré et à petits carreaux. Des deux côtés, une porte basse donnant dans quelque appartement intérieur. Au fond, une grande cloison vitrée à châssis doré, s'ouvrant par une large porte également vitrée sur une longue galerie. Cette galerie est masquée par d'immenses rideaux qui tombent du haut en bas de la cloison vitrée. Une table, un fauteuil et ce qu'il faut pour écrire. Don Salluste entre par la petite porte de gauche, suivi de Ruy Blas et de Goudiel, qui portent une cassette et divers paquets qu'on dirait disposés pour un voyage. Don Salluste est vêtu de velours noir, costume de cour du temps de Charles II. La toison d'or au cou. Par-dessus l'habillement noir, un riche manteau de velours clair, brodé d'or et doublé de satin noir. Épée à grande coquille, chapeau à plumes blanches. Goudiel est en noir, épée au côté. Ruy Blas est en livrée. Haute chausse et juste au corps brun. Surtout galonné, rouge et or. Tête nue et sans épée.